Le printemps en tournée à l'horloge du temps. Les hivers sont barrés à la vitesse du vent et moi, je viens jacter que t'as eu 50 ans. Et oui, bébère, t'as 50 berges, il te faut crocher ton pantalon. T'es plus d'âge à courir jupon, t'en as trop froissé des dentelles. Eh oui, pépère, t'as 50 berges, à la maison, mes mères, t'attend. Vous reparlerez du bon temps, où vous sautiez dans la luzerne. Le printemps ont tourné à l'horloge du temps. Les hivers sont barrés à la vitesse du vent et moi, je viens jacter que t'as eu 50 ans. Eh oui, pépère, t'as 50 berges, et tu regardes tes enfants qui déjà eux ont des enfants, tu vois que rien n'arrête le temps. Et si pépère, t'as 50 berges, sur les bons conseils de mes mères, tu devrais reprendre la bicyclette pour un peu perdre ta bedaine. Le printemps ont tourné à l'horloge du temps. Les hivers sont barrés à la vitesse du vent et moi, je viens jacter que t'as eu 50 ans. Mais si pépère t'as 50 berges, il te faut pas croire que c'est fini. Regarde, c'est moi qui te le dis, allez recommence une autre vie. Celle qui suit après 50 berges, elle devrait être tout aussi belle. Le printemps tourneront à l'horloge du temps. Les hivers s'en iront à la vitesse du vent. Je n'ai plus à jacter, tu as bien 50 ans.